bouche blanche, mes yeux piquent, ce n'est pas le gel. Tu m'aimais encore le 23, le 24 finit les cadeaux que tu avais achetés pour moi. C'est elle qui les aura bientôt. Notre passé. Je voulais que tu saches qu'en ce jour, je n'avais plus d'animosité. Tu disais que tu m'aimerais toujours. Je te l'offre, moi, l'éternité.